vendredi 26 juin 2015 et il est 20h.

Thank you. shell as Vaseline it sheds its skin. The bottle, free still wonder, shed its skin. It's still there, always shedding my any whereabouts. Never forget it, I've come to sort of que beat shed ainsi. C'est tout y reposer mon élan sur une table d'un verre. Chaque fois, il y a passé, comme de turbulence et de misère. Et trépide, mais j'en ai chiasse pour l'expression de celui fait. Toi, l'expression de notre but, plutôt que de n'avoir plus visé dans une tête. Cette chose nouvelle qui va nous rassembler. Tandis que le port de l'ordre de taper les uns sur les autres, il y a la broche, prendra les uns et les autres, il n'en est jamais enfin dans un corridor. Prends-toi, elle est toujours avec toi. Cette altération subite comme finalement. Pendant ce temps de chemise, à travers de la nuit dorée, le dit vagabâtre, j'en fous des enculés, ces pauvres noms, alors crevons-les, tout caractère se définit de rien, mais c'est ainsi que je donne. Admettre une fois, faire, nous accompagne de phrases faites de sens sens argenté, quoi de ma s'injure sur la jeune voyant, c'est fait de pour ne pas acte littéraire, mais à y renouer avec merde. C'est vrai, ce que je dis, tellement c'est vrai, je me chie dessus, et je m'assois dessus, sus à l'âme, sus aux aristos, Démocrite l'a dit, allez tous faire. Ouais. Canal Sud, 92.2 FM ou canalsud.net. C'est actuellement l'émission Nuisance qui a pris l'antenne depuis un petit moment. Là. Et c'est également le 26 septembre 2015, vendredi entre 21h et 23h, Nuisance.

bonsoir, vous écoutez Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. C'est Nuisance, l'émission qui nous sens, qui s'encule soi-même et qui vous encule au passage en pensant même s'enculer soi-même. C'est ça la beauté de l'image, il suffit de le dire sur soi-même et en fait on s'encule pas quoi. C'est ça le mensonge, c'est ça la vérité, c'est ça la liberté et l'encul. Et finalement on n'a rien à battre, donc ferme ma gueule et ça finira jamais. Donc nuisance, nuisance, toujours nuisance, et ben non, maintenant c'est bonheur, joie, volupté, félicité et grand nirvana. Oh grand nirvana, quand tu me tiens, grand nirvana, je m'encule, je m'encule, je m'encule, ça frotte, ça frotte, ça frotte, et après ça pustule, ça pustule, ça pustule, ça purule, ça purule, ça purule, et ça pète. Ouais, et ça pète grave, et on en a rien à foutre de ma vie de merde, et je m'encule toujours à sec, avec du gravier et du tesson en bouteille à moitié éclaté sur ma tronche, couverte de pisse et de merde. Et je gratte la merde, je gratte la merde du fion qui pue la merde, et c'est toujours la même chose, jamais, jamais ça finira, t'es en enfer, bâtard. Bastardos, c'est un culan, solamente los bastardos, si, si, les bâtards enculent les bâtards, c'est ça la vérité, et on en a rien à foutre de la vérité, alors on la dit pas, rien que c'est vrai ce que je dis, merde, faut pas le dire, c'est vrai, faut le cacher à tout le monde et le garder pour soi, c'est un secret, c'est ça la vérité, faut pas la dire, la liberté, on la trouve pas. On va la chercher, haha, con qu'on est, inventer un mot qui veut rien dire, c'est comme péter dans le flanc. Ouais, dans le flanc, t'as un problème avec cette expression? Elle vient du Guatemala, péter dans le flanc, ça existe. Le Pérou, ils sont à base de coq, tous ces gens-là, cocaïne, rien à foutre, ils en ont pas, c'est des pauvres cons. ça la liberté d'expression. C'est pas la même chose. L'expression, c'est l'expression. La liberté, c'est la liberté. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas la même chose. C'est pour ça qu'il faut mettre un lien entre les deux. Il faut aimer s'exprimer librement pour pouvoir le faire. Et ça, j'en ai rien à foutre. Non, vraiment. À foutre maintenant du cul, de la merde, de la pissotière, au quart même, au quart de l'opulence infinie et indéfiniment code qu'elle est l'opulence. Les cons qui sont les opulents, hein, les opulents, c'est des opulents comme ils sont cons, les opulents, tu vois ce que je veux dire. Puissance. C'est eux les nuisants, c'est pas moi. Moi j'ai rien dit. Je fais que de la merde et j'ai rien dit. Eux ils réussissent, ils disent que de la merde. Aussi. Pourquoi ils réussissent, eux? Parce que c'est moi le raté en fait. C'est ma faute. Et c'est grâce à eux qu'on vit les pauvres cons nous qu'on est. Grâce aux autres. Les grands, les beaux, les forts. On est là grâce à eux. Sur Terre, les stars c'est des dieux. Parce qu'on veut des stars, on veut des dieux. À aimer parce qu'on s'aime pas soi-même. Ah, c'est beau une star. C'est beau un star. Et à cet instant précis là, on n'est plus rien. On n'est plus rien que rien. Rien justement. La star, alors elle croit qu'on est quelqu'un. Quelqu'un de beau, quelqu'un de fort, quelqu'un d'opulent. Mais finalement, on en a rien à foutre. Non, c'est vrai au fond, au fin fond, au fin fond de la poubelle, tout en bas, dans le truc qui colle au bord de la poubelle, qu'on peut pas nettoyer avec une éponge qui gratte, de la javel. Colle au fond de la poubelle, noir, noir, noir comme le sang d'encre, où on se fait à chaque instant, en ne s'en foutant pas, hein, c'est pour ça qu'on s'en fout, on s'en tape le fion avec une barre à mine, on s'en fourche avec une poubelle et une pelle qu'on a cassée, on s'est déchiré avec, par la tête. Parce que c'est ça la cimetière-itude. La cimetière-itude, c'est d'avoir une tête et on creuse sa tombe dans sa tête. Ad vitam, non aeternam. ça la vie, c'est beau. Thank you. foutre, c'est ça, hein? Si j'ai bien compris, personne ne dit rien parce que personne n'a rien à foutre, c'est ça, hein? Thank you. I don't give a fuck. That's the whole thing about it. Who gives a fuck today? Nobody. That's what I think. I think a lot of things. I'm kind of stupid all the time. When I think, I'm stupid. When I reflect upon things, I think I'm kind of smarter. I like to reflect upon things I think. Smarter than when I just think them. Those things I reflect upon. I'd rather be nothing. But unluckily, I am something. So fuck it. I don't give a fuck about it. I just am, stupidly. It's just a thing about it. Who cares anyway? I mean, it's not like anybody cares or anything what I'm saying about, you know, it's not like saying or speaking or something like that. It just means shit, you know? See what I mean? See what I mean? It's not like everything's always the same thing all over and over and over and over and over and over and over again. It's not like it's mixed up and everything's blended with everything else and we just don't understand anything anymore. It's not like it's bullshit all fucking time. The whole fucking time it's just bullshit. It's hot air. Hot air balloon fucked up in the ass the whole fucking time with blood and cum. Jism, that's the whole thing about it. Friday 26th of June 2015. It's jism, that's what the fuck is about it. Fucking Friday, who gives a fuck anyway, you know? It's like just the whole fucking time. Nobody cares. Ce qui veut à peu près dire, en français, qui va faire à peu près 37 degrés à l'ombre demain. Et donc couvrez-vous la tête avec des écharpes et des bonnets, parce que comme ça vous mourrez, et que bientôt vous le ferez, ce que je vous dis de faire, car je suis importamment pour vous la chose à suivre, justement, dans son méandre et dans sa folie. Merci. Hour, From Jazz to Jazz n'a pas eu lieu exceptionnellement, et donc Nuisance a pris l'antenne dès les 20h, le vendredi 26 juin 2015, aujourd'hui même. Exceptionnellement, bien sûr, car Nuisance, c'est 21h-23h tous les vendredis. Nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances. Et donc là, on va arrêter un peu, pour faire un peu de silence. Parce que le silence permet le son de Canal Sud, Radio Libre ou Mourir.